félicitations pour tes points de bonne volonté. L'équipe de France mène 25-11. Sportaz 731. Alors, salut, moi c'est Calife. Est-ce que tu penses à la Calife là? C'est les interviews, hein. Est-ce qu'on peut avoir le son, Jean-Louis? J'ai peur. Ça marche bien aujourd'hui, un bon son. On est content de l'amélioration technique sonore. Les auditeurs sont heureux, les oreilles sont reposées, les gens sont courtois, il fait beau. Je suis content, je m'appelle Lerenfeu. Je cherche un travail à la fin de cette Coupe du Monde. Je serai tout neuf et au chômage. Oui, nous en parlions. Hein. Merci pour ces interviews, Jean-Loup. Gros plan sur les petits essais français. Mais donc, l'entraîneur français hein, qui a déjà été limogé. L'entonnoir français. Oui, en tout cas, il est au chômage. Ça fait bondir, le taux de chômage. Même bien qu'il soit remplacé quand même par peut-être un ex-chômeur. Je ne sais pas encore. Tant que ce n'est pas Laporte qui entraîne l'équipe de France, tout va bien. Oui, vous pouvez le dire, madame, effectivement, une certaine animosité habite notre comportement face à cet homme. Méfiance. Vous l'aimez toujours, le jambon? Non, le jambon, j'ai arrêté. Hein. Ça fait grossir, quoi, mais ouais, ça fait péter un peu les plombs. Hein. Le jambon, c'est de la jambon, que t'arrêtes pas de bouffer du jambon, j'arrêtais plus, donc j'étais malade. Cure de désintox au jambon. Voilà. Le gras, parce que vous mangez le gras. Ah, ça y est, ils reviennent, ils sont de retour sur la pelouse. Regardez les Japonais, la solidarité japonaise. Alors que du côté tricolore, on se pose quelques questions, même si effectivement on mène. On n'est pas tout à fait en place. Hein, on est pas time shift, hein, donc pour ceux qui découvrent le time shift, c'est sur la box, la DSL. Ouais, vous mettez la pause, vous avez bloqué l'image, vous laissez tourner le son et nous allons dire time shift et ce sera 0 secondes. Non, tu vas dire time shift. Moi je vais pas le dire. 0 secondes. Non, moi je ne le dis pas avec toi, je te laisse le dire. Vas-y. Time shift. Ouais, là, oh, mais c'est loupé. Ce ballon qui n'a pas fait 10 mètres. Ouais, c'est ça, moins de 10 mètres. Hein. Exactement, il doit passer la ligne des pointillés pour pouvoir être bien négocié. Ça nous donnera une mêlée au centre du terrain. Tout ce que ne voulaient pas les Japonais vient d'arriver en moins de 20 secondes. C'est affreux. Bien revenu dans cette confrontation ici à Bourg-l'Arbour pour l'instant. À la décision, bien sûr. Yamashita, finalement, pas si mal que ça. Yamashita. C'est une mêlée au bénéfice des Japonais, je reviens, je répète. C'est une mêlée au bénéfice des Japonais, je reviens, je répète. Introduction Yama Kamate. Pour l'instant, tout va bien. Comme on nous le dit, l'équipe de France n'a pas réellement de sushis à se faire, comme nous l'a envoyé Blue Monsieur. Ray, bien évidemment. Bien sûr, il est frais. Il est sushi frais. Au moins. Blue Ray, peut-être un peu moins. Mais merci quand même d'avoir envoyé ton petit message sur le site Sportage. Sachant que Blue Ray fait référence à Blue Raymond. allez, c'est reparti. Bien sûr. Vincent Clerc, hein, qui a gonflé du haut. Hein. Il a gonflé du haut, tu dis. Ouais, je trouve qu'il a gonflé du haut. Et toi, tu gonfles. Pas tout court. Ouh, la mêlée japonaise qui s'est fait défoncer. Ah non, la mêlée japonaise a été une des rares mêlées à disposer de la marche arrière, voyez-vous, pour pouvoir encaisser la puissance adverse. Ouais. Ils n'ont pas travaillé là, à la force. Ils travaillent. Des où, toujours des où. Encore des où. Toujours des où. Mais vous êtes complètement givré, mon pote. Allez, la 4 time porte. Shift. Hein. Ah ouais, bah là, oh là là. Ils veulent détruire le peuple japonais, là, quand même. Ils veulent. La centrale de Fukushima a effectivement subi le joug du tsunami français. Je voulais savoir confrontation. Où en sont les radiations hein, au Japon. Un seul site, le site le plus indépendant moins de France, la CRIRAD, hein, vous savez. Ouais. C'est pas la première fois que tu nous en parles, hein, la CRIRAD. Vous aviez déjà suivi un peu de Sportaz, la CRIRAD vous informe sur tout ce qui est radiation nucléaire de façon indépendante. Alors si je peux me permettre, c'est pas joli quand même. Hein. La CRIRAD, on dirait quand même un beau... Oui, mais le nucléaire, on peut pas dire que ce soit très beau. Hein. Voilà pour désormais, vous. Désormais, nous retrouvons également le secret des sources. Tout... D'accord, attention, secret des sources. Ah, c'est important quand on est journaliste sur la liste noire-rouge. Touche française, hein. C'est parti. Oui, me semble-t-il. Jean-Louis, tu... Ah non, non, Jean-Louis, pas comme ça. Oui, avec saucifleur. Qui a un verre rouge. Oh là, saucifleur, oh là là. Et Tereban qui a quand même sacrément bousculé. Là, c'est la seule voix qui défonce tout. C'est l'équipe de France qui attaque dans les 22 mètres japonais. Ah, la combinaison française avec une bonne petite balle est laissée. Dans les 22 au bout de... Dans les 22, et Tereban qui donne à Ibagnol. Et Ibagnol qui marque. Oui, bien Il l'a pu. Oui, il a marqué. On va demander l'arbitrage vidéo pour être ensemble, pour être sympathique. Mais on considère que l'essai français est marqué. Japon. On regarde ça, Jean-Louis. Avec un ralenti qui a été fourni par Sony. Sony. Oui, que je salue. Qui est sorti, de son lit, Sony. Voilà. À la même heure que tout le monde. Par contre, on a du mal hein, sur l'arbitrage vidéo. Là. Est-ce que vous envoyez les images? De ce côté-là, ça va être difficile. C'était 3 quand même, sur le français qui marque tout de même l'essai. Non, peut-être que non. Là, c'est difficile de le voir. Le ballon est-il aplati? Touche-t-il le sol? La pelouse verte et granulée installée il y a quelques semaines à peine ici à Bourg-l'Arbour. C'est vrai qu'il avait 3 Smart dessus. Nissan, hein, c'était des Nissan, là, c'était pas des Smart. Ah, pardon. Non. Oh là oui, Jean-Louis, une tentative d'excitation. On voit quand même les 3 Nissan. Non, il n'y a pas goal. Et non, il n'y a pas goal là. Il y a la jambe et dessous. Parami là maintenant peut-être. Mais c'est trop tard. Ah bon. Je pense qu'il n'y aura pas essai. Ce serait justice. Ce n'est pas une publicité. Hein. Je vois une jambe japonaise parce que là, il y a un magma de joueurs. Là. Ils sont tous mélangés, les Japonais. Essayez de reconnaître le corps, les cuisses, qui appartient à ce pied. Ouais, c'est du Yoko Ono là. Laisse-la tranquille, pauvre poule. Et là, là, regardez, c'est lui, c'est ce numéro 19 là. Ce chacal, ce salopard. Oh non, Jackie. On ne nous aide pas à New York. Oh, effectivement, l'image est rude. L'image est vraiment rude. C'est le World Trade Center attaqué. Est-ce qu'on peut revoir ce ralenti? Visiblement, l'essai n'est pas accordé. Nous sommes bons, Jean-Louis, nous sommes bons sur les temps forts. Et là, on n'a pas un petit jingle à prendre, là, tiens, pendant cet instant. On n'en a pas pris celle en première mi-temps. Vrai, mais la première mi-temps était trop rapide. Nous n'avions aucune limite. Aucune possibilité d'envoyer du fond. Mais nous allons nous débrouiller. Je pense que nous allons trouver le jingle. D'ailleurs, c'est Blu-ray qui nous demande où est Raymond Lambrouille. Effectivement, sacré fripouille. On l'a envoyé à Fukushima, justement. Jean-Louis. Attendez, après la mêlée peut-être, jingle retourné. Regardez bien la marche arrière de la mêlée japonaise qui finalement tourne et embrouille un petit peu la sortie de ballon française. Qui sort. Hein. Et c'est la Toufa qui a voulu y aller seul, mais il est pris. On est à 1 mètre seulement. Ça va rentrer, non? Mais oui, ça va. Ça va même passer par-dessus, tu vas voir, un petit peu. Soit un plongeon. Ah non, pas comme ça, non Jacques, parce que là, la DCA japonaise est réputée. Coup de pied. C'est au sol, c'est le fantassin japonais qui est faible. La DCA, par contre, tu vois... C'est au-dessus. Non, puis, oui, cette fois-ci, non, il l'accorde pas. Oui, je crois qu'il va le donner. Si, une fois de plus. C'est le même qui a marqué le premier essai de l'équipe de France qui, me semble-t-il, a gaulé comme il faut. Je pense que cette fois-ci, l'essai va être accordé. J'approuve ton message immédiatement. Voilà, c'est fait. Tu es sur le site comme tes congénères et partenaires auditeurs d'aujourd'hui. Mais Raymond Domenach, il est journaliste, non maintenant Il a perdu la moustache et les cheveux. Il s'est quand même bien changé. Il a été reclouqué. Alors que se passe-t-il? Il est là, effectivement. Alors c'est lui, c'est l'autre. Oui, de ce côté-là, on ne verra rien. Mais le défenseur japonais n'en peut plus. Il a pris un coup de genou en même temps. Donc les gars, quand même, ils n'ont peut-être pas tout à fait l'habitude l'année de taquiner le cuir, de se faire taniner. Ouais. Et je pense qu'ils sont déjà en train de penser à Japon All Black et qui leur inspire les plus grandes craintes. C'est vrai que un goût de tsunami. La vague noire va faire mal. Bonjour à tous et bienvenue. 7e Coupe du Monde. On vous met en bref ce texte Nouvelle-Zélande et quel symbole avec Sportaz. Mou. C'était le jingle, on ne les annonce plus maintenant les jingles. Non, ils sont sauvages ceux-là, on les a chopés hier. Hier au soir, en soir couchant. Oh là là, Jean-Louis, effectivement, regarde ce qu'il se passe. Est-ce que le ballon touche le sol cette fois-ci? Non, c'est difficile. Mais regarde surtout les Japonais, comment ils se mettent. C'est du cinéma ou quoi là? Les Japonais se mettent minables. C'est absolument regrettable. Ouais. C'est du haïku de l'image là. Magnifique. Uchimata, voyez, il le prend bien comme il faut là. Et laisser. Alors qu'est-ce qu'on fait là? La pose de Monsieur Safuto est magnifique. Ah oui, droit debout. Et je pense qu'il ne va pas l'accorder. Et non, il n'accorde pas. Je vous l'ai dit. Belle défense japonaise une fois de plus. Bien sûr. Les Français s'étaient congratulés. Plus ou moins, c'est vrai. Oui. Plus ou moins. Eh bien non. Il faut respecter l'adversaire et bien sûr l'adversité du jeu. Et surtout, les décisions arbitrales. La certitude de la glorieuse sportivité, bien sûr. Pas de présomption d'innocence sur ce coup-là. De coca et une fraise. Envoyez-moi le portier. Jean-Louis, 43 minutes 43 secondes, c'était joli Jean-Louis ce que tu as fait. C'était une superbe petite chime chifade. tout cas, il y a 11 pour les Japonais, 25 pour les Français. J'allais te dire, tu vois, par contre, cette fois-ci, il y a l'essai, mais il y a une petite faute. Il y avait un en avant, me semble-t-il, à la part des joueurs français. Mais il laisse jouer. Japaman. Japaman. Qui peut relancer la balle avec Heyman. Il était seul, il ne pouvait absolument rien faire. Heyman qui colle le ballon. Mais Tereban qui s'est fait prendre par la défense, mais qui a pu livrer le cuillère à ses partenaires. Ils vont pouvoir donc le jouer. Très efficace Tereban en plein soleil. Oui, 25-11, je ne sais pas là-bas. Arrêtez avec les secondes, il y en aura d'autres. Non, j'ai dit 25-11. Ah, mais alors tu ne comprends rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sort ce cuillère avec... Ouh, Sembat qui, ça y est, qui passe. Ah non, Sembat qui a été coincé à la rue de la magistrature. Il y a des bouchons, il y avait trop de bruit, il y avait des bouchons. Un trou dit qu'il a ramassé un peu aussi. Là-bas, ça plaque à mort, mais ça devient fou sur cette pelouse. Bon plaquage japonais. Oui, essaye de rien. Redis-moi ça pour voir. Bon plaquage japonais. Japon. Ballon sorti par l'équipe de France, qui joue tout en blanc. Repoussade française. Ouais. Tout de même. Oui, on va les travailler, leur tanner le cuir un petit peu à ces joueurs japonais. Mais là, ils résistent, je trouve, et même ils font perdre quelques centimètres à l'attaque française qui doit devoir soit se dégager, soit rendre la balle. Voilà, c'est fait par Yal Chili. Tranche Chili, qui se déchire un peu quand même, je dois dire. Récupération du cuir par la France avec Multeschun. Multeschun, je ne le vois pas, mais. C'est le bordel sur la pelouse là. Il faut ranger la chambre. Allez ranger votre chambre, dit Monsieur Saffetto, assisté, je vous le rappelle, Monsieur Saffetto, lui-même surveillé par Monsieur Saffetto. C'était notre arrière. C'était un arrière effectivement. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et Tereban qui a la branche qui on va changer. J'ai l'impression qu'il va voir la vis. La branche a un peu cédé. On voit là-bas le matériel. Avec le petit tournevis, regardez ça. Oui, non, c'est magnifique. On va demander un changement parce que là, visiblement, Tereban ne sont plus tout à fait comme il faut. On voit l'ophtalmo. Oui, madame. Oui, mais ne parlez pas dans mon micro quand je suis en train de faire autre chose. Vous savez, j'entends. Qui écoute la musique? Ah là, changement du côté français. Non, tu restes pas, Kiki, tu peux plus. Il y a un rallye. Le ralliement. Ah, pardon. Ne confondez pas. Tu me lubes. Ah, mêlée pour l'équipe de France. C'est introduction France, c'est ouvert France. Il n'y a pas grande surprise. Et c'est attaque France. Voilà, Claire de Notaire. Claire de Notaire qui tente de prendre l'intérieur du terrain. Équilibre magnifiquement à Yal Chili qui trouve son capitaine du foutoir qui défonce tout. Les 22, c'est rapide. Tranchant. Oui, bon, allez, on va aller marquer un essai supplémentaire. Effectivement, ce qu'on demande, que Transduc. Et pénalité, on a gardé le ballon au sol. Voilà, c'est magnifiquement fait de la part des Japonais qui défendent sublimement. Je vous ai entendu glisser Transduc. Je ne l'auterai pas. C'est vrai que ça passe vite. Ça rentre mieux. C'est l'heure de réplique. Non, c'est l'heure de chier, monsieur. Dites donc. Enfin. Qui a dit ça? Vous êtes sale. Vous êtes vraiment sale le matin. C'est France Info qui prépare déjà les 10 ans de Fukushima. Par contre, Jacques, on peut rappeler aux auditeurs qu'il y aura bien évidemment second match en cette matinée folklorique avec l'Argentine-Angleterre somptueux de tout à l'heure, juste après, after, si on n'a pas des malaises. Non, ça va, j'ai l'impression que pour l'instant on est bien. Japan petit qui progresse, qui pénètre la ligne défensive française malgré ce petit gabarit que l'on leur confie. Et le ballon est sorti magnifiquement maintenant pour Yamashichon qui cherche Herbamaku. Non, Jacques l'a suivi avec une publicité foireuse. Alors le ballon est récupéré tout de même par le Japan qui ne le perd pas. J'adore ce que fait ce petit pays qui n'est pas un pays de rugby. Souvenez-vous, c'est du beau rugby. Mais souvenez-vous de la Coupe du Monde au Japon. Ils ont découvert ce sport l'année dernière à peine et c'est absolument magnifique ce qu'ils arrivent à faire. En Australie, ça. Naturalisé à peine. Non, c'est à Sydney ici. Il va le sortir, intelligent, Japon, tu vois. Qui font vivre le ballon s'éclate avec le Japon, je dois le dire, absolument. Le ballon s'éclate et pénalité pour Pénalité pour le Japon, il la joue au lieu de prendre les Akamo, points. Akamo, Akamo. Oh là là. Geisha maintenant, ouais, qui sort la boule. Geisha qui sort la boule avec une sacrée soirée. C'est parti. Baguette. Ouais, oui, Yoshi à la baguette. Risotto. Non, là c'est un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si t'as faim, tu fouines à la maison. Oui, oui, vas-y, à l'intérieur, il va y aller. Il va y aller tout seul. Et c'est go ! Japon goal ! Et c'est le même qui marque qu'en première période, l'équipe de France se fait défoncer l'en but. On en prend de tous les côtés, à l'intérieur, deuxième essai. Deuxième essai pour les Japonais. Aux Japonais. Qui petit à petit vont se rapprocher. Oh oui. Rapprocher. Moins de 10 points d'écart. Et là, on va regarder qui a loupé tous ces placards. Ils sont deux à louper le placard. Un troisième, mais lui, il est pris. Et c'est go. Japan go. James Pan, donc, qui fait un très bon match. 40 des points. Ouais, regarde, Bowser, vive Japan. Ok, love Japan. Ok. Hey, gars, qui ramène. Attends, Jean-Louis, est-ce que tu peux remettre le score? Non. Singulier. Ah, le score singulier, effectivement, puisque ça ramène. Attends, le Japon a 7 points seulement de l'équipe de France. Oh, mais on s'attendait quand même. Un essai transformé. Ouais. Lui, il a marqué l'eau dessus. Hein. On sait que c'est lui qui amène l'eau. Et le ballon est relancé, bien évidemment. L'humiliation continue pour les tricolores, même s'ils mènent toujours. Mais regardez ça, ils sont en train de douter complètement. C'est ça, peut-être. C'est ce qui est important, c'est de ne pas trop douter, de tester le doute, mais pas trop. Vous voulez douter ou du café? Présence. Hein, vous voulez douter ou du café, Jacques? Envoie-moi du temps. Mais regarde ce qu'ils font. Et en plus, ils s'amusent, ils jouent. Vive à Japan. Ah. Vive à Japan in World Cup Rugby Team. Ils sont assistés par ordinateur, hein, les joueurs japonais aussi, il faut le savoir. Ce sont les seuls à être téléguidés sur le terrain du haut de la tribune. C'est peut-être pour ça aussi que ça marche si bien. Ah, c'est la technologie. Imagine l'anderneau rugbystique français, Jacques, qui doit être là, qui doit être sous la frayeur d'un tsunami rugbystique. Ah, monsieur Safeto qui réclame deux croissants. Oui, deux croissants, et surtout du côté français, on a fait deux changements. On sent qu'il se passe quelque chose, qu'il faut faire reprendre vite la mayonnaise dans cette équipe avant que ça tourne au vinaigre. C'est ce que je disais, on croit, on sent. J'ai vu Dracula rentrer. Il est là, Dracula. Draculator, on l'appelle aussi. Oh, bien pris. La France French. Attaque avec une montée de... Allez, French flair. On fait tout, allez, étouffez le riz. Bonbon Créma, rentré lui aussi pour prêter puissance à ses partenaires et qui se fait la secouer par la défense nippone. Il est retourné du mauvais côté, il va devoir lâcher le cuir. Il y a le Chili qui cherche... Ils ont pris la balle, ils peuvent jouer. Cantonné qui cherche Basmati. Non, Jacques, là tu t'es garé. Je suis cuit. Oh, Jacques est en pleine rizière. Pourquoi? Ça discute avec Boucherie, là, qui non, non, il teste l'élasticité. Du maillot japonais, bien sûr. La qualité élastomère, bien sûr. La souplesse. Élastomère, oui. Surnom. Allez, on va aller vérifier tout ça gentiment au ralenti, Jean-Louis, avec une superbe double. Oh là là, salto. Développé lourd, l'haltérophile à l'anglaise. Tout à l'heure, contre l'Argentine. Oui, ne quittez pas. Et vous ne rêvez pas, 7 points d'écart seulement entre l'équipe de France, soi-disant annoncée dans le dernier carré, et cette équipe du Japon qui est en train de la faire complètement douter. Regarde, même le staff français est aux abois. Ils sont déjà aux champs. Alors qu'on nous salue, qui arrive? C'est Grand Jacques qui vient de nous rejoindre. Grand Jacques qui nous salue. Salut les gars, quel courage des potirons minés sur la pelouse. Merci Coco. Et c'est le Gers, je pense que c'est Gers qui nous parle. Yes, avec ballon French, récupéré French par la team, France, avec Yal Chili, mais... Sur les 22, précisément. Sur les 22. Fixation, action. Penetration. Constitution. Regarde ça, récupération. Perdido le ballon, bien Japan. Ils sont fous, ces Japonais. Ouh là, il y avait de la feinte. Beaucoup de ballons perdus du côté français, ce qui peut effectivement donner quelques munitions à la formation nippone. Oui, c'est pas une publicité nippone, hein, Jacques. Oh là là, l'en avant, c'est l'en avant. Oh non, oui, non, ça va mal. De ça aimant. L'arbitre considère que non. L'arbitre considère que qu'il l'a laissé derrière. Oui, oui. D'ailleurs, Jackie, vous étiez trop loin. Jean-Louis, tu viens tout à l'heure au goûter ? Des problèmes. Il y a des problèmes, Jean-Louis. Ah, pardon. Attention à ces ballons. Pour la France, mais cette fois-ci, il intervient Monsieur Saffetto, alors que tout à l'heure, il a laissé traîner un petit temps avant, me semble-t-il. Moi, je trouve qu'il a physiquement, il a la tête du logo de Buffalo Grill quand il met ses deux bras. On peut revoir ça, Jean-Louis. Quand il met ses deux bras. Où ça ? En l'air. Ah oui, parce qu'après, tu sais qu'il y a... Il y a d'autres possibilités. Bien sûr. C'est Bonbon Créma qui met en touche pour l'équipe de France. Alors que là, regarde, effectivement, non, le ballon. Mais regarde, il repart en avant ce ballon. Non, d'accord, mais il arrive de l'arrière. Il repart en avant. Il y avait, me semble-t-il, nanana avant. Peut-être qu'il avait un ticket aller-retour. Non, ce n'est pas la troisième mi-temps. Les joueurs se regroupent. Oui, ils font ce qu'ils veulent, hein, les joueurs. Là, j'ai l'impression qu'ils se font des mi-temps. Ah, Lomu qui rentre. Oui. Lomu la bête. Lomu sapiens. Lomu. Oh là là. Et l'autre. Ouais, le moulinet, Jacques, pour vous, à la fin. La touca, la touca para la Francia, c'est Draculator qui va faire la touche pour la France. On est dans Jackie, c'est l'heure de se réveiller. Hein, Jackie qui est. Jackie qui est quoi ? Bon, qui est à l'heure irlandaise. On a encore perdu le ballon. Japan Airlines là-bas sur le côté avec une promotion impeccable en première ligne. Il fout la panique. Le Francia. On va le prendre, c'est le deuxième essai ou le troisième. Si, ça continue comme ça, oui. Qui récupère ce ballon ? Ah, c'est la France. Qui ? Il a pas si mal joué, mais je pense que c'est la France qui récupère ce ballon, même si les Japonais étaient arrivés à fond dessus. Japeur. Sorti avec Yalchili qui dégage de suite immédiatement son camp, sentant le danger. On est dans une mouise impeccable et le Japon qui joue vite, c'est fou. C'est le Japon qui fait le jeu ici à Moularbour avec un ballon bien relancé sur le côté. Moularbour. Il la donne maintenant avec Japon. Qu'est-ce qu'ils se mettent ? Disons, ils sont en train de rendre chèvre cette formation tricolore qui ne sait plus à quel rugby se vouer. Oh, ça fait peur la vague japonaise. Ah, approuvé, on approuve. Ah. Absolument, moi j'approuve ce jeu japonais, je m'en fous, j'ai l'impression que ce sont eux qui gagnent, voyez-vous. Hein, je veux dire, même si le score est en faveur des Japonais, une question pour répondre. Oui, non, mais quand même, laissez-moi finir une fois que... Il y a le ventilo, je sens le ventilo, c'est pour ça qu'on est bien, on est bien. Le ventilo nous soutient. Oh là là, de plus en plus pro ce studio chalet de Sportaz, nouvelle saison, Radio Sportaz, nouvelle playlist, Radio Sportaz, nouvelle Coupe du Monde, Radio Sportaz, Nouvelle-Zélande. Ouais, Radio Sportaz, nouvel essai pour les Japonais, si ça continue, si ça continue. Et pourquoi ça continue intérieur, pas et pourquoi ça continue pas. Arrêtez, 3 mètres, non pas beaucoup, allez les Japon. Allez Japon. Ah oui, Japon, il y va. Allez. Moi, je t'ai dit qu'ils vont y aller, foutreuses. Oh, qui fournissent du jeu. C'est eux qui jouent là, oui. Oh oui, ah, oui oh là par contre là. Oui, mais des fois ça arrive. Non, ça arrive, sûr, c'est un peu, c'est ce qu'on appelle le déchet. Non, c'est bien pour la technique défensive des Français, certes. Oui, ça joue. Japon, marque-nous un deuxième essai, Japon. Vas-y, mon ami japonais, alors qu'il peut livrer la balle, mais cette fois-ci, il est seul. Non, il est bon, bien récupéré une fois de plus. Les Nippons sont ponts, je répète. Avec ce ballon intérieur maintenant, avec les gros. Ça sort. Oh, c'est fou. Ah, ils vont l'en mettre. Ça rentre. Oh, quel dommage. Ça sort. Et la petite faute, vas-y, donne-la. Non, ça oui. Sort. Recule. Bien joué, recule. Coco. Recule. Pour la photo. Oh, Lomu, la bête qui, pour l'instant, a défoncé tout ce qu'il pouvait et qui peut donner le cuir. Non, il est mal retourné, mal positionné. Et je pense qu'il va se faire avoir. Pénalité pour le Japon. Oh, extraordinaire. Pénalité pour le Japon. À ceux qui auraient dit Nikon le Nippon. C'est foutu. Oh là, sérieux, non, là, sérieux, ça, c'est la Bérésina, c'est Waterloo ici à Moularbour, où pour l'instant l'équipe de France non seulement n'avance plus, mais subit la terrible vague japonaise. Incroyable. Appelle Mémé. Et c'est du beau jeu. On se livre. Ce rugby japonais sans. Sans quoi ? Sans hardi, bien évidemment. Sans balle. Sans presse. Oui, je vous l'envoie. Merci, Jacques. Par la poste. Alors, il faut qu'il s'applique, il fait tout celui-ci. Ouais, il marque les essais, il fait des pénalités, il range le matériel à la fin du match, il motive ses joueurs, il caresse les femmes. Il est absolument complet. Vas-y, Coco, applique-toi, fais pas. Hein, t'en as déjà loupé une ou deux, me semble-t-il, donc fais pas le con. Cette fois-ci, il faut absolument le mettre, cette balle. Et là, si tu fais ça, alors oui, c'est la panique dans le camp français. C'est le panique et c'est goal. C'est goal. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là Autant dire l'équipe de France qui a pris 21 points. On va vers une troisième mi-temps ou quoi? Ouais, quand vers des prolongations. Nous allons vers les prolongations pour ce match, pour atteindre à 10h30. On vous le rappelle, la guerre des Malouines, France-Argentine. Ah, non, l'Angleterre-Argentine, pardon. La France. D'un autre acabit. Pas. Et oui, il l'a dit, c'est pas possible, on joue comme ça. T'as vu, c'est ta faute, t'es qu'un grand con, comment ça, c'est ma faute? Oui, c'est ta faute, je t'ai dit, t'es qu'un con. Ah oui, il y a quelques dissensions entre les entraîneurs français qui stressent. Hein. Il pourrait même démissionner peut-être, hein, juste après ce match, ça, pour permettre au nouvel entraîneur de venir directement après ça, tout. Ça, c'est du marketing, ouais. Alors qu'il s'agit de marquer, tout simplement. Et ça continue, hein, sur la pelouse, les fautes de main sont françaises, l'inactivité est française, les maladresses sont françaises, la connerie est française sur cette pelouse, et le Japon nous le fait sentir. Nous réveillons Jérémy, qui nous a demandé de le réveiller à l'heure précise où je vous parle. Jérémy, bienvenue dans ce Sporta 731. Il y a 21 pour les Japonais, 25 pour la France. Oui. Cette Coupe du Monde 2011, à toi. René, Jérémy, debout. Ton frère aussi, Jérémy. Légèrement en premier sur l'impact. Mais oui, légèrement en premier. Regarde ça, légèrement vivace sur le ballon. C'est reparti. Oui, Evans qui se loupe un peu à la réception de celui-ci. Il va être pris, Evans. Oh non. Ouh, il a récupéré ce ballon. Il a contre-attaque, les mecs. On va au bout. Oui, le docteur Médard qui ferme tard le soir, mais c'est plus que foutre. Et là, il est pris, même s'il s'en sort magnifiquement. Bien, des merdards. Bien. Ah, oui, docteur, des merdards. Waouh, il est passé. Intervista. Sans problème, du coup la France peut reposer. Oh, bonbon créma! Ouais, oh, bonbon créma qui a laissé la cidulée filer des doigts. Oh, c'est terrible ce qui se passe ici sur cette pelouse de Moulin Harbour où rien ne va. Il démissionne, je te dis qu'il démissionne, l'entraîneur français. Ouais, il quitte la salle, il s'en va, il ne veut plus voir ce match, il ne veut plus voir ça. C'est terrible. Lièvre en jeu. Ouais. Attends, est-ce que le 21, le 13, c'est le numéro du loto, le 9, le 21, le 13 et le mal à la tête. Ouais, enfin, en Coupe du Monde de rugby, il ne s'agit pas de jouer au loto. Hein. Justement, on doit être précis, technique, professionnel, si j'ai bien compris. Snub qui nous dit que la France n'est ni bonne ni mauvaise, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la France est particulièrement médiocre aujourd'hui. Ocre, d'accord. Alors, est-ce que c'est ce Japon qui a un jeu tout à fait... Oui, c'est ce qu'on a dit, entendu, parlé, écrit, chanté, vu... Ah, yeah. Avec les boules de geisha qui perturbent bien évidemment le métabolisme français. Forcément, ça les remue à l'intérieur. Des pitbulls de geisha, ça mord. Hein. Ce sera donc une mêlée au bénéfice des Japonais qui vont sortir le ballon très vite, le plus vite possible, pour éviter l'impact. Et surtout, ton sperme de saumon. Oh, Jacques. Pardon, corne d'Afrique. Corne d'Afrique, c'est pas ici non plus. Non, là c'est foutre de grenouille ou de crapaud. Foutre de crapaud qui a là-bas. Il est sorti, mais il joue comme. Ce sont les All Blacks, sur cette pelouse. Oh, il est allé trop loin. Ils se sont piqué le ballon, mais les Japonais ont encore la position. Pas d'en avant, c'est quand même magistral ce qu'ils arrivent à faire avec l'Omoulabet qui évite 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Il va s'appuyer peut-être, il s'appuie. Il s'appuie. Oui, il n'a pas donné la balle, si, c'est un en avant, c'est un en avant. Et c'était encore une fois très chaud pour l'équipe de France. C'est le Japon qui fait le jeu, c'est le Japon qui s'amuse, c'est le Japon qui fait vivre la balle, c'est le Japon qui égaye ce match, c'est le Japon qui nous réveille. Bien, mon gars. Ah ouais, non, je suis stupéfait et surtout dégoûté de cette formation française qui m'a fait lever si tôt pour me filer si peu. Oui, enfin, si on reprend quand même l'ouverture de la Coupe du Monde que nous commentions hier, bien sûr, vous y étiez, en tout cas, les quelques 11 et demi. Et tiens, est-ce que vous parlez d'un chiffre? Combien sommes-nous aujourd'hui? Attendez, je parlais d'autre chose que chiffre d'audience. Mais en tout cas, la Nouvelle-Zélande hier a beaucoup douté en deuxième mi-temps face au humble Tongien. Oui, le Tongien, le Tongien. Même très exactement, il est là, hein, l'Omoulabet, regardez-moi ça, l'Obou, Sapiens, l'Omouliné et tout le reste. Je vous ai donné le chiffre tout à l'heure à la mi-temps, vous l'avez. C'est le même. 61 minutes et 28 secondes, la France 25, Japon 21, introduction. Oui, mais on sort avec la Toufa qui essaie d'y aller tout seul, mais il est pris, mais France. Ils n'ont pas peur de plaquer aux jambes et tout quand même, les Japonais. Central, c'est central. Tac à la cheville, là, il te la crac. On est au milieu. Avec Boucherie qui tente le coup, il est bien pris. Oh oui, mais quelle défense. Non. Des merdards tout droit. Des merdards en touche, pas vraiment. Pitouche. Non, en avant. Effectivement, Jacques, t'avais bien vu, il y avait une passe en avant entre le docteur des merdards qui ferme tard le soir et son partenaire Boucherie. Effectivement, entre les deux, ça ne se passe pas forcément si bien. Ah, les horaires sont différents. Est-ce que c'est là ? Oui, effectivement. Ouais, ouais. Nonavant. Ouais, flagrant, finalement. Hein. Vu à cette vitesse. Ce qui confirme que ça va très mal hein, pour le jeu français, alors qu'on avait cru à un moment donné qu'ils avaient retrouvé ces talents. Ouais, et ce Grand. Talent. Finalement, Grand. Ils ont pris en foutre. C'est la crise. Hein, même dans le rugby, c'est la crise en France. C'est vous dire. Oui, techniquement, le foot est pas au top, le rugby non plus. Bon, le basket, ça va bien en ce moment. Oui, c'est marrant comme ça tourne, hein, le bonheur, la joie du sport. Ça change de discipline, vous comprenez. Est-ce que vous m'écoutez là où vous roulez, là? Qu'est-ce que vous faites? On déroule. Oh, ça joue. Japan avec ton Tokyo. Ton hôtel, Tokyo Hotel. Avec, Tokyo Hotel avec... Simotro. Simotro, tu dis? Honda. Honda, bien pris, Honda. Nissan qui sent bien le coup, Nissan. Oh oui, oh quelle grande finesse. Oh, pas mal, quelle Nissan. On s'est rapproché largement de l'embu français, on y croit. Le problème, c'est qu'on l'a retourné du côté japonais. Non, le ballon est là. El Queer est là. Magnifique. Rapan, tu vas marquer. Rapan, tu peux même peut-être gagner cette confrontation si tu joues bien comme il faut à fond. Rapan, à toi. Japon à mort, Japon à ouais. fond, pardon, enfin les deux, je veux dire, on apprécie magnifiquement fait, les risques avec ce petit ballon dans le docteur Médard qui ferme tard le soir, se foutre dans la merde tout seul, mais il est bon, il est bon, défense, il est bon, le flair, le clair, oh là là, promotion, il a le crochet gratuit. C'est très beau ce qu'il vient de faire, trois fois de suite. Il a sauvé tout le monde là, en gros. Non seulement c'était très beau, mais c'était surtout très efficace et bienvenu. Bravo, des merdeurs. Ah, qui ferme tard le soir. From Colomière. Dégagement français dans la pénibilité, dans la merdasse, c'est terrible ce qui se passe sur cette pelouse. J'ai honte, shame on you. Cachez-vous, joueurs français. Le ballon est là, récupéré par le Japon team. On voit plus le cuir, hein, Jacques. Très personnellement, on ne voit plus le cuir du côté tricolore. Ouais, enfin, des cuirs. On en est réduit à défendre, c'est vous dire comme c'est quand même la pagaille, c'est le monde à l'envers. C'est l'équipe de France qui défend à mort face à cette formation japonaise au rugby, qui a découvert ce jeu il y a un an à peine, je vous le rappelle. Et encore, hein, au loto. Oui, comme par hasard, vraiment par hasard. Le ballon, on va vous le dire, tranquille, progresse pour les rouges, progresse pour les, oui, les noirs. Toute l'Europe est progresse, hein, le plan de relance de la Grèce en atteste. Yes, intervention, on a failli avoir l'interception des Japonais. Frenchman. Ouais, franchement, qui franchit tout. Oh, Frenchman. Oui, qui franchit pas, même, qui continue avec Yalchi, bien pris, là, on s'est fait bien tamponner, ouais. Et ce sera une pénalité au bénéfice des Français. Ah, 30 secondes de jeu français, ouais, bon, une pénalité. Quelques gestes d'énervement, là, tandis que pour l'instant, pas de dopé. Ni de drop, hein, Jacques. Ni drop, ni droppé. Qu'est-ce que vous vouliez dire, monsieur? Allez-y. Cette trempe. Quoi? Vous êtes trempe? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'angle mort, là-bas. L'angle mort, hein? Je connaissais l'aigle noir, mais l'aigle mort... Décidément, les infos sont de plus en plus dramatiques. Et la France sait qu'elle est honteuse. Elle ne va même pas chercher la pénalité. Bien sûr, elle va essayer d'aller marquer et laisser pour accentuer un petit peu son avance au score, mais c'est regrettable. Ce qui se passe ici est regrettable. Pourtant, la culture de la honte, c'est plutôt le Japon. Ah, oui, là, ils n'auront pas. Non. Non, sérieux, ils n'ont pas là, l'occasion de faire harakiri. Là, nullement, ils peuvent être fiers de leur prestation. J'attendais le hakakiri au début du match, mais je n'en ai pas. Nous l'avons eu tout à l'heure, hein, le hakakiri. Jacques, si vous réécoutez l'émission, vous verrez que ça a déjà été cité. Ah. Oui, ça a été prononcé, cette phrase mythique. À quelle heure? À la... J'allais vous le dire, 19e minute, très exactement. Oui, il y a du changement du côté japonais. On sent qu'il y a une possibilité de faire quelque chose. Why not? Avec Japan Williams. Mais c'est vrai qu'ils ont naturalisé à grande vitesse, visiblement, du côté nippon. France récupérade. Il suffisait de jouer un peu au rugby. 22 japonais. Japonais, une question, Jackie. C'était quoi? À quelle heure? Vous m'avez répondu. À 19e minute, je vous l'ai dit, vous n'écoutez plus rien, vous n'êtes qu'un compte. Non, j'ai perdu l'info, c'est quoi? Pénalité pour la France team, qui cette fois-ci, à mon avis, se chie ça, je le note. Plus lentement, Jackie, je le note. Jackie. Oui, on va prendre les 3 points tellement on a peur, tellement on flippe, tellement on est mal à l'aise dans cette partie du côté français. Au ralenti, là, au sol, on voit, on libère le ball. Non, oui, oui. On... Alors qui a fait la faute finalement? Est-ce qu'il y a réellement faute? Est-ce que c'est un joueur français qui a déconné? Toute la solidarité. C'est beau. Il y a des jeux japonais. Ouais. Ah, c'était beau, c'était ouais, ouais. Théâtre japonais, oui, théâtre de gestes depuis des millénaires. Je comprends pas que le théâtre non chinois non. Il y a le Chili qui met 3. Mais oui, alors qu'il aurait pu tirer en dessous de la barre, ouais, pour faire juste sympa. Salut papa et maman. Salut maman. Et les autres. Ah. Eh bien, ça nous fait quoi? Quelques petits points supplémentaires. Ça nous fait quoi? 7 points. Mais regarde ça, regarde le staff. Oh, circonspect. Circonspect. On se paie la tête de tout le monde, on se paie le jeu. Ça sent la joie, hein, ça sent. Ouais. C'est absolument regrettable de voir des images pareilles. Allez, remise en jeu. Ballon récupéré par Latoufa. Latoufa pour la France qui relance. On a fait entrer Clara Morgan. Le Chili. Il y a le Chili et Clara Morgan sur la pelouse en même temps, Jacques. Qu'est-ce que ça veut dire? Animer le jeu, je pense. On va récupérer un maximum de ballons. Je suis complètement stupéfait par ce qui se passe. On tente. 15 places. Comment ça, contente? J'espère que madame est contente. Vraiment, bah oui, du foutoir qui tente de remettre ses partenaires dans le sens de la marche, mais ça marche pas. Oui, on cherche la dynamite. La quoi? Dynamite. Ovo Maltine, ça c'est. Vous faites. Non, Ovo Matin. Oui. Attention à cette sortie de balle française avec Ski. Ski au sol. Ski au sol. Ça avance pas, ça se lit pas, ça progresse ça pas. Oui, ouais. c'est assez merdique comme jeu. Ça du inertie. Côté tricolore. Ouais, ouais, ouais. Dégagement du Chili. Ça inertie, hein, plutôt. Yes, jolie, mais intervention, me semble-t-il, de monsieur Safeto. Mais qui faute? Qui a fauté? Les Japonais. Ah, on se prend la tête à deux mains, on a compris qu'on avait fauté côté japonais, on apprend. On apprend plein la gueule là pour l'instant, quoique ça va. 28, vous ne rêvez pas, 28-21, les Japonais ont mis 21 points à cette équipe de France et notamment avec 2 essais, s'il vous plaît. Ouais. Ça n'est pas du poum, tchon, lion. Oh bravo madame. Ce sera une touche au bénéfice du tricolore dans les 22 mètres japonais. Maintenant, il serait temps quand même, les gars, de vous rassurer, ouais, de faire quelque chose. Je sais parce pas, que qu'est-ce sinon, qui s'est passé pour cette équipe de France? Ouais, il y a eu le dégoupillage, le dégroupage, le dégroupe A. Continue, Jacques, vas-y. Dégroupier. Ouais, on a beau mettre quand même. Ce qui fait que ça fait pas une équipe type, ça. Hein. C'est pas une équipe top non plus. Hein. Non plus, non. Mais en tout cas, on se les tape. Il manque que Nick et Tup et vous avez tout fait. Ah ouais, attends, il dit attends, arrêtez les conneries les gars, vous voyez pas qu'on n'arrive pas à jouer. Attention, ressaucissons-nous, très exactement. Ski. Ski fait la touche. Ski fait la touche. Touche France. Oui, bien pris, bien le bal. Ouverture Georgique. Attention, la voilà avec. Il est revenu. Ou alors c'en est un autre. Ah bon, il y a des joueurs partout. Il y a plus de joueurs peut-être du côté français. Mmh. On joue à 30 maintenant pour pouvoir faire quelque chose. Infiltration Le ballon France. Est sorti à Infiltration France, d'après Jacques. 5-6 mètres et encore que Bubka. Tu m'as bien tendu la perche, mais non, je n'y viendrai pas. Je ne te suis pas sur ce terrain-là. Sorti, voilà, c'est fait avec le Chili. Ah, mais c'est Clara Morgan qui joue en demi-ouverture, me semble-t-il. Oh, oui, puis joue premier. Premier bourrin. Premier bourrin. Oh là là, du foutoir qui est venu lui aussi défoncer un thorax. Enfin, là, un essai, ça y est. La grosse infiltration. Ah, ouais, bah, l'essai, là, ça y est. Ouais, bah, ouais, là, par contre, le camion français. A emmené la Nissan dans l'embut et goal. Oui, c'est pas la peine de faire le mariole, Kiki. Un goal français, goal dans la douleur, dans la souffrance. Bien sûr, le Japon l'a reçu de tous les côtés, mais ça ne suffira pas. Les Français qui s'étaient fait grignoter petit à petit au niveau score, qui reprennent un peu le dessus du score oui, du match. Oui, oui, bon, mais la fatigue. Du côté japonais, on peut les supposer qu'ils ne tiendront pas quand même toutes les 80 minutes. Et là, on voit le camion français qui ne fait même pas l'effort de faire un écart pour éviter le piéton japonais. Vous allez voir, tiens, tu vas prendre ça, Kiki. Et puis voilà, effectivement, c'est gros. Ah, priorité au jeu, au point. Et au point de suture, là, surtout, oui. Effectivement, priorité au point de suture. Et on y va. Five points more. Pour la French team qui reprend un peu l'avantage avec 33, peut-être 2 points de plus avec cette transformation. Oui. Manga! On s'est pris à rêver un petit peu. Une superbe chose japonaise. Oh, très belle triplette française en bleu, blanc, rouge. Bravo Jean-Loup. en noir. Eh bien, ça va mieux dans le jeu. Uh-huh. Eh bien, ça va un petit peu. Eh bien, oui. Ça nous en fait deux. Uh-huh. De plus, eh bien, ça fait 35 à 20. Oh yeah. Pour les petits Français qui se laissent moins aller. Et du coup, on marquait un essai. Yeah, yeah, yeah. Pas de quoi s'emballer. Remise en jeu, Japs c'est reparti, ils savent qu'ils peuvent revenir, donc ils vont remettre la pression aux Français et tout de suite on se jette. Et de suite ils sont là, toujours présents, un petit temps fort, cette fois-ci Alain temps fort, et qui est pris magnifiquement. Mal. Sans perdre le ballon, ça continue à jouer sur le même tempo, sur le même côté, Tsuku qui cherche Suzuki. Ouais. Suzuki qui récupère magnifiquement ce ballon et il s'infiltre juste là. Mais ils ont de très bonnes tactiques. Un peu au ras, un peu au centre, un peu à l'extérieur. C'est très bien joué de la part des Japonais qui continuent d'attaquer. Regarde-moi ça. Non, avant. Et on va sortir ce ballon. Mais bien sûr que c'est reparti. Oh là là. Le 5 français par volé est complètement affolé. Il cherchait la montagne japonaise. Le Fujiyama, hein, Jacques, pour être précis. Oui. C'est un cliché, le Fujiyama, mais il existe bien. C'est mon cliché. Sortie de ballon et récupération. Ouais. Stop and go. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une pénalité au bénéfice des Japonais. Et oui, c'est fait là-bas, c'est signalé, c'est sifflé, ça y est, pénalité pour les Japonais. Sake Soare qui va peut-être taper. Non, c'est James, normalement, qui tape tout. Finalement, je ne sais pas s'il faut les féliciter ou les remercier, les Japonais. Les féliciter de leur prestation ou les remercier d'avoir maintenu le suspense tout au long de ce match et d'avoir un petit peu égayé le téléviseur qui avait tendance à s'emmerder avec le jeu français. Il y a du yen. C'est tourné, oui. Ouais. Ah, j'ai la gorge prise. Ça attaque à votre truc. Attaque japonaise dans quelques secondes, le temps d'une touche réglementaire, bien droite, bien alignée, c'est parti. Mais pourquoi pas un petit essai supplémentaire pour la Nippon Team. Allez les gars, on y va. On invente, on crée, on innove. Vous êtes les rois de la technologie, n'hésitez pas. C'est parti. Allez, c'est parti, avec une contestation de cuir pour le France, mais non, récupération tout de même pour les Japonais. Les Japonais qui... Oh non, cette fois-ci, il a perdu le cuir. Ah, quel con, quel dommage, il a perdu le cuir. Non, peut-être pas. Le ballon est récupéré par les rouges et noirs. Le star de Toulousain qui prend de loin. Là-bas. Il y a un appel de balle de Nokia. Double appel, même de balle. Vous avez le cuir sur une musique qui nous a été, fournie gratuitement. Qui est prêtée, en fait. Qui est prêtée, d'accord. Ouais, ouais. Qui est prête, pas tout à fait prête, mais prêtée quand Japan même. Japan dans l'axe. On lui bloque les bras. Bien joué de la part de Boucherie qui le ramène jusqu'au quartier japonais du centre-ville. Et c'est reparti avec une petite offensive, tranquille. Ils tiennent absolument à finir en beauté, les Japonais. Hein. Allez, de la chistera peut-être. Ils tiennent absolument à finir en beauté, en tous les cas, à finir fier d'eux en marquant un dernier petit essai là quand même. Là, il a voulu y aller. Il était un peu trop gros le mur en face. Il a pris ski dans la gueule. Et c'est une continuité de l'action, un temps supplémentaire. Il joue ces joueurs japonais. Et il plaque, il déblaye autour des rucks. C'est magnifiquement fait. Ils vont marquer. Ça se rapproche. Non. C'était bien fait, French dommage. Team, alors qu'il y a un tas. Hein. Sur la pelouse, il y a une espèce de tas. Jean-Louis, si tu peux faire un gros plan, ce ballon est dégagé. Il va être récupéré tranquillement par la Nippon Team qui va repartir à l'assaut de la citadelle française. 35-21. Et les Japonais nous en jouent, dirais-je. Sportas de café. Oh là là, quel petit coup de pied. Conduire elle et son fils. Est-ce que l'on peut avoir un petit jingle pour cette seconde période? J'appelle la production. Et si je te directe Radio Sportaz et je m'embrase. Touche française, récupération, tricolore. Voilà, Ballon sorti par Yalchili, hein, Yalchili qui balance. Qui balance le plus loin possible. Désormais, les tricolores en sont réduits à rendre le cuir aux Japonais qui, eux, par contre, contre-attaquent, s'amusent, passent, feintent, jouent. Ouais, les tricolores mènent au doux. Hein. Ils sont moins durs. Je trouve que c'est intéressant. Ah, de... par contre, Févas. Un Févas de main de la part d'un joueur japonais. Et ce sera un en avant que l'arbitre considère comme jouable puisqu'il y a l'avantage avec Clara Morgan. Clara Morgan para qui se fait reprendre et prendre et reprendre et qui peut quand même livrer le bastring. Ah, docteur franchement qui franchement, ouais, franchement il n'y a pas d'en avance, ça joue, c'est goal. Bravo, oh, là, intérieur, juste, ça va tout droit. Ah oui, c'est goal, c'est Papé. Voilà. C'est Jean-Loup Papé qui est allé jusqu'au bout. On se la joue à l'espagnol, on se libère. Ah, cette fois-ci, c'est fait. Oui, on peut le dire, fois-ci, c'est fait. Alors, on se dira quoi, Jacques, hein? On garde les 5 minutes de fin ou on considère que tout le reste est bien présent? On garde, car ce n'est que le début de la Coupe du Monde. On cherche ses marques, son niveau de jeu, son niveau de pression, voire de trac et de stress. Parce que ça commence à faire lourd, là, maintenant. Hein? C'est du 40 à 21, alors que les Japonais ne méritent pas ça. Ah bon? Ah non, franchement, ils ne méritent pas ça. Ils mériteraient d'être un petit peu plus près de cette équipe de France. C'est vrai qu'ils ont animé le jeu beaucoup. Ils ont été jeunes et heureux. Oui, pas toujours quand même, avec une belle petite passe de Yalchili et Jean-Loup Papé qui vient tout péter dans l'embut. Ah ouais, récupérer une motte. Et là, se faire un petit coulis de motte de pelouse. Et on a VS hein, qui nous dit que le son est nickel, merci de le confirmer. Oui, nous filme le nécessaire maximum. On demande de continuer, même maintenant le match va s'arrêter, hein, et nous aussi à un moment donné. Ouais. On va faire une pause avant Argentine-Angleterre de haute volée. Oui, vous verrez ça d'ici quelques instants, et c'est bien, c'est transformé. Avec Lionel Messi hein, qui sera là. Ah bon? Vous avez des informations croustillantes. La France double le Japon. Hein. C'est le déficit de la balance commerciale. Mais vous prenez tout à l'envers, vous mettez des zéros partout et vous avez toute la différence. Bonjour. Salut Béré. Bonjour. Béré. C'était Sali, hein. Sali Béré. Ah. Ok, James qui remet en jeu ce ballon hein, qui vient de marquer des points. Le ballon aime hein, marquer des points, il est heureux, il est plus vivant juste après. Effectivement, c'est vrai Jacques. Le collectif. Alors il y a le ballon qui aime passer entre les barres, puis c'est celui qui aime être planté dans le sol aussi. Au moment de laisser, attention. Hein, le ballon secoué aussi. Oh non. Ah, il y a un ballon prisonnier. C'est juste, non en avant, ça continue, indique ça monsieur Saffetto. Ça continue. Il transmet magnifiquement, mais la défense française veille cette fois-ci. Et puis les joueurs japonais sont moins vifs qu'en début de partie où leur crochet faisait fureur. Crochet qui n'est pas autorisé, hein, forcément. Oh, regarde ces combinaisons, regarde-moi cette dextérité. Au moment où j'étais dit dextérité, l'autre grand con me laisse tomber le ballon en avant. C'est vrai. Quel dommage. Il y avait une all-blackerie. Oh, oui, c'était exactement ça, et Gilbert, hein, justement. Petit hommage à Gilbert qui apparaît sur le ballon. Salut à toi qui nous écoute depuis l'au-delà. Merci à vous qui nous écoutez beaucoup. presque trop. Laissez-nous seuls quelques instants, s'il vous plaît. Laissez-nous seuls de temps en temps. Toi aussi. C'est la patrie du peuple juif. Attendez là. Excusez-nous. Les problèmes sont encore là, effectivement, même pendant que le sport continue, les drames avec. Je n'ai pas l'estime de ce son. On n'a pas vérifié tout. On ne filtre rien. Attention à cette sortie de balle française. On va jouer la fin du match. Hein, du côté français, on joue la fin du match. On va aller directement au vestiaire. Vous allez voir. Il va être plaqué vers les vestiaires, tout simplement. Et ce sera la fin de cette confrontation qui nous laissera un goût amer dans la bouche. Un goût de saleté, vous comprenez? Amer de shit. Mais non, puisque nous sommes au Japon. Vous n'arrêtez pas de vous tromper. Hein. Vous avez du mal. C'est vrai que Jacques a du mal avec la géographie asiatique. Ok, Saigon. Saigon, effectivement. Des merdards, par contre. Les tricolores veulent partir sur un mastodonte. J'avais mastic tout à l'heure, c'est vrai qu'il a grossi. Il a bien grossi avec du foutoir qui a récupéré le ballon pour la mettre en touche, les gars, finissez ce match. Ouais, tape dans les mains après avoir tapé en touche. Terminato, les gars. Il faut qu'il le lâche, sinon il sera sanctionné. Le cuir récupéré par les Japonais qui, eux, vont aller marquer le dernier essai. C'est vrai, un petit dernier, ça moins. Pour la croûte. Non, c'est plus trop là. C'est... On a envie. Ah, ouais. Ils ne veulent pas finir ce match, ils veulent qu'on tienne jusqu'à l'autre 10h30. C'était une récupération de Boucherie pour la France. Le dernier essai. Il sera français. C'est Clara Morgan qui va y aller. Clara Morgan qui va planter, mais pas entre les barres. Et c'est français. Humiliation définitive désormais pour le Japon qui en aura pris de tous les côtés. C'est reparti pour cette équipe de France en Coupe du Monde, on va dire. Elle qui nous avait laissé sur notre fin face à l'Argentine, souvenez-vous, en 2007. En 1863, souvenez-vous de ce match extraordinaire où effectivement nous fûmes humiliés. C'était Sporta 731, on vous prépare le 732 tout à l'heure, 10h30, Argentine-Angleterre, terre. On va ça gentiment au ralenti, Jean-Louis, ce sera le dernier de cette partie, même si ça va très vite. Clara Morgan qui fait un petit clin d'œil à son partenaire et qui se couche. Comme il est arrivé. Allez, nous on va se recoucher quelques instants. Ouais. On va aller faire la sieste. On va lui libérer la caféine. Vous l'entendez d'ailleurs derrière, ça a commencé. C'est la fête à la cuvette. Et c'est terminé entre l'équipe de France et l'équipe du Japon, 47-21. Voilà, alors qu'il y a à peine un quart d'heure de cela, il n'y avait que 3 points d'écart ou 4 points d'écart entre les deux formations. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas côté fan of France. On ne s'y triomphe pas, oui. 47 pour la France, 21 pour le Japon. Premier tour de la Coupe du Monde 2011 pour ces tricolores indolores aujourd'hui. Oh, c'est enfin indolore, demande aux Japonais qui les ont pris de tous les côtés, demande si c'est indolore. Par contre, effectivement, un peu foireux ça, je veux bien te le concéder. Ouais. Mais on y croit, on va dire, cette team française qui s'est largement préparée. Bon, Dylan, pour y croire sur un truc comme ça, t'es optimiste, hein, tu en veux. Hein. Il le faut. Tu veux maintenir l'auditeur en éveil, hein, c'est ça. Hein, faut trouver de quoi se lever le matin. Bien évidemment. Allez, au lit. Eh bien, nous, on se retrouvera, oui, on se serre la main, nous aussi, hein, ici, ouais, dans le voilà. Studio. On se félicite, on se serre à five. Et on se retrouve tout à l'heure à 10h30 pour un match qui, normalement, devrait être tout différent, hein, bien plus enlevé, bien plus féroce. À 10h30, donc, la guerre des Malouines, Angleterre-Argentine. En Mondiorision tout à l'heure. Sporta 731 se termine en musique. En 16/9, merci Jim. Zo. Merci Zo. Merci voix. Merci Jacques. Qui ne concorde plus avec vous. Non, le Concorde n'est plus. C'est vrai. Comme quoi, le meilleur de la technologie ne finit pas toujours bien. Ouais. Pendant ce temps-là, les joueurs français essaient de s'applaudir. Hein. Ils ont même du mal. Regarde ça dure pas très longtemps. Ils essaient de s'applaudir, mais pas beaucoup quand même. Allez, vous pouvez rentrer, les gars. C'est ce maillot blanc qui leur va pas du tout. Et vous aussi, vous avez la Sportaz Manie. Vous aussi, vous avez envie. Alors vous serez là tout à l'heure à 10h30 pour le Sportaz 7, 3, 2, 1, partez. Salut. Alors quand même, là, ça a été sacré bouché, hein, vous avez ouvert le magasin il y a 20 jours. Oui, je suis DJ, et on a ouvert un magasin de disques. C'est vrai que l'entraîneur français, c'est pas funky, c'est même plutôt chiant, on s'entraîne. Ah, c'était la purée de rugby, c'est délicieux. Oui, c'est vrai que la purée japonaise, je ne la connaissais pas. Bon, je crois qu'on peut faire meilleur, mais elle était bonne. Hein. J'en ai repris. Mes collègues aussi. Et du coup, il n'y en avait plus à la fin. Tu m'as l'air sacrément emmerdé. J'ai trop bouffé de purée, c'est un peu lourd et il faut que j'aille. Vous savez, je reviendrai. Pour goûter le prochain plat et bravo à Mister Chef. Vraiment super émission, super combat et c'est important de cuisiner le combat, il faut attaquer la viande, il faut mettre les épices. Jean-Louis, qu'est-ce que tu filmes? Jean-Louis, continue ta recette, Jacques. Jacques est parti dans, en pleine recette. Mister Chef, c'est vraiment que c'est important la saison, l'assaisonnement, c'est important. Mais tu vois, moi je veux pas d'étoiles. Hein. Champion du monde, c'est pour les autres. Hein. Moi je débute. La cuisine. Oui, il faut finir ce match maintenant. La cuisine, je vais arrêter. Depuis tout petit, hein. Oui, ma mère me laissait dans le four. Évidemment, c'est gentil. Nous ne cautionnons pas, c'est une interview sauvage. Il est 9h48. A tout à l'heure. Essayez de dire un peu trop. Sportaz. Non, on peut pas doubler ce mec, tu comprends? On peut pas le doubler ce mec. C'est pas possible. Alors putain, arrêtez de dire des conneries. Vous faites des doublages à la con, ça marche ou pas? C'est pas bon. Il faut faire du bon doublage. Et le bon doublage, c'est un doublage sain, un doublage authentique, un doublage vrai, parce que c'est pas possible de faire n'importe quoi comme ça, de raconter sur les lèvres. Vous lisez pas sur les lèvres. Alors faites attention, collez vos paroles aux lèvres. Et là, ça marchera très bien le doublage. Et oui. Ah, oh, on me dit, vous savez quoi faire du doublage? Eh ben, c'est ça le doublage, le bon doublage. Le... Oh, ça c'est de la merde. Une vraie merde, le vrai doublage, c'est moi. Alors, ce sera de mieux doubler la prochaine fois, effectivement, sur la ligne droite du prochain match Argentine-Angleterre, Auckland et ou Aucklando. C'était ici en direct. Et vous posez une question provocante pour un livre que j'admire et dont j'ai peur qu'elle me rende antipathique.